Fight your war, break the silence, no. tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans le Rock 4 Show. Comme vous l'avez compris, comme vous l'avez entendu, c'est le 35e anniversaire. Alors vous ne saviez pas que c'était le 35e si on vous le disait pas, mais c'est l'anniversaire du Rock 4 Show et ça fait 35 ans que cette émission existe et elle a été créée par Monsieur Pedro Canroll et Monsieur Eddie Metal. On leur rend hommage ici. Et nous allons en parler de toute façon et faire un hommage à cette émission durant 3 heures. Oui, 3 heures, vous écoutez bien, cette émission durera 3 heures, car ce sera également la dernière de 2018. De 2018. Merci Tom. Voilà, et bonsoir mon cher Tom. Bonsoir Phil. Alors on va pas vous cacher la vérité, cette émission est enregistrée, nous sommes aujourd'hui le 10 décembre, mais vous l'écoutez, vous, le 12 décembre, hein, le mercredi. Nous allons recevoir des invités durant cette émission, nous allons vous passer des nouveautés bien évidemment, et nous allons vous passer également quelques petites vieilleries qui ont marqué le Rock 4 Show, et puis surtout nos invités sont également des amis. Alors, je vais vous présenter déjà deux amis qui sont ici présents, là maintenant, tout de suite, qui ne pouvaient pas attendre. Je vous présente tout de suite à ma gauche, Monsieur Beethoven. Ah, il se bat, il se bat. qui c'est qui va parler en premier? Monsieur oui. Beethoven, oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Phil. Merci de m'inviter pour la dernière émission de l'année, puisque j'attends avec impatience le retour du Rock 4 Show comme tout le monde. Hein. Comme Scorpion. On va pas se cacher non plus. Bah ouais, les adieux vont durer longtemps, mais il y aura un retour. Moi, j'en suis persuadé. Maintenant, on verra. Mais bon, je suis présent aujourd'hui avec plaisir. Et nous accueillons également à ta gauche, Monsieur Hervé Gugano. Bonsoir Hervé. Salut tout le monde. Et Annie, presque le retour d'Hervé à la radio. J'interviens par-ci par-là, mais bon, c'est vrai que mon vrai retour n'est pas d'actualité. N'est pas d'actualité. Sinon, on te laisse les micros et tout ça, tu viens tous les mercredis remplacer. Non, tu veux pas D'accord, très bien. N'oublie pas le chèque à la fin du mois, quand même. Hein. Voilà, en tout cas, merci d'être présent pour cet anniversaire. Et c'est... Mais je venais pour l'enterrement, moi. C'est un peu ça. Préférence pour la mort. Non, mais on sait bien. C'est un peu un enterrement. Enterrement de l'année, enterrement peut-être de Macron, on sait pas. voilà, on pourra rien vous dire de toute façon, sur, puisque comme on vous le dit, on est le 10. Il n'a pas encore parlé, donc on ne pourra rien vous dire sur les gilets jaunes. Mais par contre, on a Gilles et John qui devraient arriver. Ça, on verra avec eux s'ils ont des infos. Ce que vous avez entendu en ouverture d'émission, puisque c'était une nouveauté, l'album ne sortira que le 14 décembre, c'est-à-dire dans 2 jours. C'est Within Temptation, sorti de leur album Resist. Et le morceau que je vous ai proposé d'écouter et de découvrir s'appelle Raise Your Banner. Et dedans, il y a un featuring. Il s'agit de Anders Frieden. Je ne sais pas qui c'est, mais bon, certainement qu'il doit être très connu, ce monsieur. Il doit... Tu connais, toi, mon cher? Absolument pas. Ah, bah, tiens. Hein, je pense que c'est le beau-frère de James Hetfield, mais je ne suis pas sûr. Je vérifie sur mes notes. Hein. Voilà, merci de vérifier, mon cher Beethoven. Donc, l'album sortira chez Spine Farm Records le 14 décembre prochain. C'est le 7e album studio du groupe. C'est du métal symphonique à chanteuse. Le groupe s'est formé en 1996 et ils nous viennent des Pays-Bas. Ce que vous avez entendu en fond sonore après, c'était Happy Birthday, bien entendu. Et ce que vous entendez maintenant tout de suite, alors ce Happy Birthday est dédicacé, bien entendu, à nos amis, à Céline LB, Céline qui est une fidèle auditrice. Et puis Niklos, Mr. Niklos de ADX, mon cher Beethoven. Envie de souhaiter un petit anniversaire à ton guitariste? Non, parce que je le vois souvent. Donc, mais il ne joue pas que dans ADX, hein, il joue dans beaucoup de groupes. Et c'est vrai que... Quel talent. Voilà un véritable... multigroupe, ouais, c'est ça, c'est multigroupe. Puisqu'il joue dans un groupe de reprise de Led Zeppelin, LZ129, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Je ne me trompe pas. Mmh. Il joue également dans Altered Beast, dans ADX, et puis... quand il a rien à faire. Bah, il va travailler pour Disney, puis il gagne bien sa vie. D'ailleurs, si vous allez voir le dernier Astérix au cinéma, bah, sachez que Niklos y a travaillé au niveau des images, du son, de plein de choses. Donc on est fiers de son réussissement. J'espère que le salaire est en fonction du nombre de sorties et du nombre de spectateurs, mais bon voilà. Et ce que vous entendez donc tout de suite en fond sonore, le groupe s'appelle Brainstorm, ils sont allemands, l'album est sorti le 28 septembre dernier, c'est du power mélodique, le groupe s'est formé en 1989 et l'album s'appelle Midnight Ghost, sorti chez AFM. Mais pourquoi on voulait passer en fond sonore? Tout simplement parce qu'ils seront en concert le 20 janvier prochain au Petit Bain avec des guests, mais je n'ai pas les noms des guests. Nous allons continuer avec des nouveautés, enfin surtout une femme, quelqu'un que j'adore, quelqu'un qui est venu souvent dans le Rockford Show, qu'on a essayé de garder, qui est devenue une amie hein, depuis. Vous avez tous reconnu la charmante, la blonde Doro. Doro qui nous a sorti un magnifique double album qui s'appelle Forever Warrior, Forever United. Le morceau que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle, il est en allemand, Freunde fürs Leben. Alors, y a-t-il des gothiphiles ici? Non? Non? Personne ne parle la langue de Goethe. Bon, je pense que ça doit vouloir dire Freunde, je crois que c'est ami. Leben, ça doit être l'amour, un truc comme ça. Et Fur, c'est pour. Pour, peut-être, ouais, mais Furs, je sais pas. Ouais, bon, enfin bref. Ah, ouais. Des amis pour l'amour ou pour toujours. Ou peut-être pour la vie. Pour la vie. Oui, peut-être pour la vie. C'est peut-être bien ça. C'est sorti chez Nuclear Blast le 17 août dernier. C'est du heavy metal. Le groupe s'est formé en 1989, mais avant ça, elle jouait dans Warlock. Et elle nous vient d'Allemagne, bien entendu. Et elle sera en concert le 10 mars prochain à Vauréal, au Forum. Nous enchaînerons ensuite avec Danko Jones, qui était à Paris il n'y a pas très très très longtemps pour un concert. Je crois que c'était même au Forum de Vauréal. Et il nous a envoyé un nouveau titre de son prochain album, dont on n'a toujours pas le titre, qui sortira en 2019. L'album s'appelle Burn in Hell. Je crois que c'était un hommage à ce qui s'est passé, ou peut-être une vision de ce qui s'est passé ce week-end dans Paris et dans certaines villes de France. Ce sera le 9e album du groupe. C'est du hard rock, bien entendu, très influencé, AC/DC, toute cette musique très, très années 80. Le groupe s'est formé en 1996, c'est un trio, ils nous viennent du Canada, de Toronto, donc on passe un bonjour, bien entendu, à Radio Biz, qui nous diffuse depuis 2014 maintenant. Et on aura une petite interview d'Eric Flynn, certainement, d'ici la fin de l'émission. Et nous enchaînerons enfin avec notre invité du soir, notre invité permanent du soir, avec le groupe ADX, tiré de l'avant-dernier album qui s'appelait Ultimatum, et c'est une reprise. Mon cher Beethoven, est-ce que tu peux nous présenter le morceau? Je te laisse le présenter, quoi. Oui, c'est une reprise d'un groupe suédois qui s'appelait Volley, donc nous avons fait une superbe reprise de Volley, et nous sommes très contents de l'avoir fait. Voilà, merci mon bon Phil. Bon, le morceau s'appelle King of Pain, mais cette fois-ci, vous l'avez en version française, sorti chez V-Record le 24 février 2016, pourquoi j'ai marqué 2018, non, c'est 2016. C'est du speed metal. Le groupe s'est formé en 1982. Ils nous viennent de Compiègne. Ils seront en concert le 16 mars prochain à Erani au Covent Garden. Ils seront pas tout seuls. Ils seront avec Stratagem, avec Digital, Misanthrope, Octane, Lone Wolf Corp, mais également Sweet Needles et Beep. Ça sent le PMM. Un petit peu. Allez, on en parlera plus tard de ça. On envoie tout de suite la musique, on se retrouve tout de suite après avec des invités. Bye! Wir Freunde fürs Leben, ich alles gebe, blickt niemand zurück auf Leid und Unglück. Wir Freunde fürs Leben, wenn niemals aufgeben, wenn niemals vergehen, zu einem stehen. Mein Schwur ist für dich, auf immer. Ja, ich schwör dir. Gonna burn in hell. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock 4 Show, 35e anniversaire de l'émission. Et surtout un au revoir, puisque nous allons vous quitter pour l'année 2018. Ouais, et puis peut-être pour plus tard aussi également, mon cher Tom. Ce que nous entendons en fond sonore, ça s'appelle Paradigme, mais avant ça, nous avons donc pu entendre Doro, Danko Jones et ADX. ADX qui a joué à Vouziers et qui a fait un magnifique concert, ma foi, avec Titan, également excellent. Ça a rappelé pas mal de souvenirs à nos amis communs, puisqu'ils ont joué à la Mutualité il y a assez longtemps. Nous allons parler donc de Paradigme, mais je vais laisser le micro à notre cher ami Beethoven, puisque Monsieur Beethoven est également dans plusieurs groupes à la fois. Petit coquinou, va. Bah. Multicasquette, mon ami, multicasquette. Bah, effectivement, je voulais revenir 20 secondes sur le festival de Vouziers pour remercier bien sûr l'organisateur William qui fait ça depuis si longtemps et qui le fait très bien. Nous avons donc recroisé, c'est vrai, nos amis de Titan. Alors pour la petite histoire, on avait joué avec eux à la Mutualité, c'est vrai, au mois de décembre 1988, donc avant-hier. Et on avait enregistré justement un album live à l'époque, donc c'était assez sympathique. Voilà. Et pour donner des nouvelles d'ADX, puisque tout le public en ferveur et le studio ne tient plus, n'est-ce pas? Ils veulent des nouvelles. Eh bien, ADX sera en studio logiquement. Alors là, encore une exclue parce qu'on ne l'a pas annoncé au mois de mai 2019 pour une sortie d'album prévue en octobre. Voilà, c'est préparé et puis on n'a pas le droit de se rater, donc on va vous faire quelque chose de très bien. Et donc, pour ce qui est de Paradigme qu'on entend en fond sonore d'ailleurs, on peut peut-être même en mettre un petit peu plus fort, n'est-ce pas, pour que les gens comprennent. C'est un groupe de prog metal dont je fais partie et qui sortira un album début février. Voilà. Bon, je vous en dirai plus personnellement sur ma page Facebook et sur la page du groupe. Alors quoi, bon, tu joues du triangle ? Et je joue du triangle, de la clarinette et du tuba, n'est-ce pas ? Évidemment. Non, j'étais employé comme bassiste, donc un nouveau rôle pour moi, mais très sympathique. Et musicalement, moi j'ai craqué depuis pas mal d'années sur ce qu'ils font, parce que, comme on dit, c'est pas des jeunes perdreaux non plus, hein. Ça fait quelques années qu'ils jouent, donc voilà. Très bien. Des nouvelles très bientôt, merci en exclusivité d'avoir passé un morceau, parce que ça n'a jamais été entendu nulle part ailleurs. Ben voilà, ben merci à toi de nous avoir apporté cette exclusivité de Paradigme. Mmh. Et donc, surveillez bien les pages Facebook de Paradigme, de Beethoven, de tous ces gens qui travaillent autour de ce groupe, car vous allez avoir des nouvelles très bientôt. On va passer au fond sonore suivant. On va mettre un petit peu de son. Il s'agit de... Oui, Saxon, en direct live du Rock 4 Show. C'est les copains de Saxon, effectivement, puisqu'il s'agit de Judas Priest, qui seront à Paris au Zénith le 27 janvier pour la promotion de leur album Firepower, sorti chez Epic le 9 mars 2018. Ne les ratez pas. Et en première partie également, Gérard Lenormand. Eh bien, peut-être que nous avons un invité spécial au téléphone. On la personne. Essaye voir s'il répond. On va voir. Allô, invité mystère, êtes-vous là? Allô, allô, invité mystère? Ah, on ne l'entend pas dans le micro. Alors attends, on va te mettre en face d'un micro. Ça sera mieux, voilà. Mais si je le mets là, moi on m'entend plus. Si, normalement c'est bon. Ça doit marcher. Voilà, on va le mettre sur le micro de Beethoven. De Beethoven. Vas-y, essaye. Bonsoir. Ah bah non, ça a raccroché. Ah ouais, d'accord, super. Bah on va rappeler la connexion. Oui, je suis. ça va fonctionner si tu le mets juste. Je suis l'invité juste... mystère. Je vais parler bientôt. Voilà. Alors. Voilà, ça sonne. Là, ça sonne. Tu peux me baisser le fond sonore, ça sera bien. Oui. Allô. Allô, invité mystère. Oui. Voilà, c'est passé dans 45 Marshall en même temps là. Ah si si, un petit peu ouais. Bon, on dirait Venom au début, en fait. Alors, je te laisse te présenter, parce que pour l'instant, on ne t'a pas encore présenté, mon cher... Bah donc, c'est le guitariste de Venom Theory, et, et voilà, donc c'est Didier Cheneau d'Attraction Theory M2. Voilà, Ex-Headline. Ex-Headline. Voilà, donc on te remercie de nous faire l'honneur de ta présence par le biais des ondes pour ce 35e anniversaire du Rock for Show. Voilà, alors attends, parce qu'on on bouge. Quand même, ça se fête, quoi. Ah bah, 35 ans, ça se fête, ouais. Alors qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Quand ça a commencé, quand même. Là, c'est ça qui est fort. C'est quand même une émission ancestrale, quoi. Déjà, Elvis Presley, il a commencé à être interviewé sur Rock for Show. Non, c'est... Ouais, mais il était déjà dans l'au-delà. Hein. Bah non, là, 35 ans, quand même, quoi. Plus, c'est ce qu'il y avait avant. Bon, c'est quoi ce bordel? Alors, il paraît que ça s'arrête, le Rock for Show, au bout de 35 ans. Voilà, il paraît. Moi, je pense que 35 ans... Pour les groupes français... Rien faire pour les musiciens, à se la glandouiller, dire tiens, à part aller manger aux Japonais et voir des copains, et genre on s'arrête quoi. Les mecs ils sont fatigués. Ouais. Quand même n'importe quoi. Non mais si tu veux, c'est l'économie souterraine, on n'a pas assez alimenté. L'économie souterraine, d'accord. Je m'attendais à tout comme explication, mais pas celle-là. Hein. Bah ouais, nous aussi, à une époque, on s'attendait à tout. Maintenant, où est-ce qu'on va? comme tu dis. Alors, l'actualité d'aujourd'hui de monsieur Didier Chénault, c'est Attraction Theory avec Constance, avec Christophe Babin. Et j'ai vu une petite news pour demain. Ouais, t'as vu une petite news. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu pour le 13? Mais toi, tel que t'es là, tu vas vouloir avoir des scoops avant. Mais t'as vu, la petite news, c'est qu'il faut être sur les réseaux sociaux jeudi soir, donc demain, si je ne me trompe pas, à partir de 18h. Voilà. Voilà, mais est-ce que tu peux... Les réseaux sociaux, ce sera du son, ce sera de l'image, mais, ce sera... Mais ça il faut y aller pour savoir. Tu crois quand même pas que voilà, qu'une émission qui peut nous planter comme des malheureux, on va attendre ça. Non, il faut être connecté, il faut être attracté à 18h. Et t'en sauras plus. Bon, et ben très bien. Donc nous serons connectés demain à 18h. En attendant, on va te remercier. On va remercier également tout. Il faut remercier, plaisanter à part pour tout ce que vous avez fait pour cette musique, pour les groupes avec le PMFF bien évidemment, qui est quand même pas très très éloigné du Rock for Show, de tout ce que vous avez fait pour cette scène française pendant toutes ces années. Donc bon voilà. Mais bon, j'espère que c'est un fake et que ça va renaître de ses cendres très très vite, d'une autre manière ou quoi que ce soit, parce que bon, voilà, ça va nous manquer quand même. Bon, en tout cas, vous en saurez peut-être un petit peu plus avec l'interview de Eric Flynn, qui est notre diffuseur canadien, puisque lui vous dira des petites choses peut-être concernant le Rock for Show pour l'avenir. Mais en tout cas, pour nous, actuellement, on va dire qu'on s'arrête en 2018. On va parler d'Attraction Theory, puisque quand même Didier Chénault d'Attraction Theory, bah, on va en passer un titre quand même du EP Principia. Est-ce que tu te rappelles de ce EP? Ah, je m'en rappelle, ouais. je m'en rappelle bien. Et puis donc c'est aussi l'objet de mon demain, c'est que ça va faire un an qu'il est sorti physiquement. La release numérique était un petit peu plus en amont de ça, mais il est sorti dans les bacs il y a un an. On va faire une surprise à tous ceux qui nous ont soutenus, parce qu'il y a eu quand même un très très bel accueil sur ce pays. Il s'est passé plein de choses, et là bien évidemment on est en train de travailler sur l'album qui va arriver au printemps, et donc voilà, donc on a voulu faire une petite surprise. Bon, eh bien le PMFF a été le premier à faire jouer Attraction Theory, ce qui était quand même un super cadeau aussi, donc on vous a réservé une petite surprise pour ça. Très bien, en tout cas nous, ça reste un très très grand souvenir d'avoir fait jouer Attraction Theory, puisqu'il y avait quand même un line-up de choix, et puis surtout il y avait un petit être qui était également sur scène, et c'était sa première scène. Il y avait un petit clandestin là, qui était là, qui a participé au concert, et bon... Voilà, écoute, Didier, on te remercie énormément, on te fait des gros bisous. Et nous aussi, on vous embrasse tous. Et on va passer un titre... Et puis à très bientôt dans tous les cas. Très bien, on va passer un titre d'Attraction Theory. On se revoit de toute façon très très très bientôt, ça c'est sûr. Attraction Theory, groupe de métal progressif formé en 2016. C'est un groupe français. Et effectivement, ils ont joué au Paris Metal France Festival. Et on vous les diffuse tout de suite maintenant, sans plus attendre, dans le Rock for Show. C'est parti. wind will tell you how to fly away. Your wings are built for another day. Tell me what you see around. Do ages grow the sky? Rainbow once appears and will let you know how will that tears river's gonna flow. Oh, my name is Tunico, the invisible sign. Look at chances will be real. De retour dans le studio, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show, 35 années d'existence pour cette émission. Et vous doutez bien que si on a passé Yann Armellino et El Bucho, c'est peut-être bien qu'il est au téléphone avec nous. Avant ça, nous avions passé Attraction Theory, tiré de leur EP Principia. Et n'oubliez pas, demain soir à 18h, vous pourrez avoir une petite surprise. Le morceau que nous vous avons passé ce soir s'appelle Silent Signs. Et nous retrouvons tout de suite notre deuxième invité de la soirée, même troisième invité de la soirée, même quatrième invité de la soirée. Oh, énième. Que dis-je, notre bientôt énième invité de la soirée. Je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Monsieur Yann Armellino, bonsoir. On ne l'a pas entendu du coup. Bonsoir, bonsoir Yann. Salut à tous. Bonjour à tous. Voilà, très heureux d'avoir de te recevoir à nouveau dans cette émission, même si ce n'est pas physiquement. La dernière fois, tu étais venu avec ta guitare, on avait fait une petite session live. Fort sympathique. Et puis là, on te reçoit puisque c'est les 35 ans du Rock for Show et également que 17, deuxième album de Yann Armellino et El Bucho, vient de sortir le 23 novembre dernier. Et donc, on va en parler un petit peu. Bah oui, j'espère bien. Alors justement, ce nouvel album avec El Bucho, il sort quoi, un an après le premier ? Deux ans. Poil deux ans en fait. Le premier était sorti en octobre 2016. Et tu vois, le 23 novembre 2018, c'est à quelques jours près, c'est deux ans après. Bon, deuxième album donc, et on retrouve la fine équipe. Est-ce que tu peux nous parler aussi du line-up qui a composé cet album ? Alors le line-up, on retrouve mon frangin, donc Alban à la batterie, qui collabore vraiment cette fois-ci même en studio alors qu'il n'avait pas fait le premier. Il y a quelques titres aussi où on retrouve Julien à la basse et Jacques à la guitare. Donc Julien et Jacques qui font partie également du groupe Jesus Bolt. Très bien. Ils sont pas avec votre serviteur. Voilà. Alors on retrouve notre ami El Bucho, ex-Watcha pour le groupe le plus connu, mais il était également dans Showtime. Et puis je me suis laissé dire qu'en fait cette collaboration, bon on en avait déjà parlé, mais elle avait eu lieu grâce à un certain concert. Oui, c'est vrai, ouais. Donc... C'était quel concert déjà ? Je me souviens plus bien. Je sais pas, il paraît que c'était en 2014. Ouais. Donc j'ai lu ça dans la bio, j'ai dit tiens, c'est vrai en plus. C'est marrant. Oui, non, c'est vrai, ouais. On était dans les loges. Hein, pendant que toi, t'étais, on ne te voyait pas beaucoup parce que tu étais quand même très occupé ce jour-là. Et donc c'était le PMFF, c'était le 5. Oui, ouais, tout à fait, c'était celui qui se déroulait au Divan du Monde. Exactement, sur deux je jours. Je me souviens particulièrement de cette loge parce qu'il y avait eu la triste prestation des Tears que j'attendais pourtant parce que c'était un groupe qui avait fait date quand même à l'époque. Quoi. Et ouais. Je me souviens de cette anecdote. C'est vrai que c'est pas cool de se rappeler de ça, mais... Non, mais maintenant, on s'en rappelle avec humour. Hein, à chaque fois j'en ai entendu parler au Vousier Festival, et c'était toujours avec humour. Bon, voilà. Après, on passe. Il y a d'autres formations. Titan s'est reformé, et c'était une très, très belle reformation. Venin, également, s'est reformé. Et, ma foi, ils ont fait une très belle prestation aussi à Vousier. Donc, voilà, il y a encore pas mal de groupes qui peuvent à nouveau se reformer. Oui, complètement. Ouais. Et, c'était très chouette, hein, ceci dit, hein, dans ce Divan du Monde et tout. J'ai un bon souvenir de... Alors on va revenir sur le groupe Yann Armellino et El Bucho. C'est une affaire qui marche puisque deux albums déjà. Comment s'est faite la construction de ce nouvel album ? Est-ce que ça a été facile ? Est-ce que pourquoi déjà 17 17 le titre ? Alors 17 en fait c'est assez facile. Enfin c'est facile. Le plus dur quand on fait un nouvel album, c'est de trouver un titre qui soit cohérent et puis qui raconte un peu une histoire. Alors bon, l'appeler 2 c'était un peu nul. Et 17 c'est l'addition du nombre d'albums qu'on a fait entre Bucho et moi, sans compter Better Way. En fait Better Way on l'a compté qu'une fois. Donc si on compte ma petite discographie et celle de Bucho avec ce qu'il a fait entre Electrocutors, Watcha et d'autres. On atterrit au nombre de 17. Voilà. Très bien. Alors, c'est sorti chez Explose Music. Et la dernière fois, c'était sur un autre label. Comment ça se fait que vous avez changé de label ? C'est une volonté, en fait, de notre part, parce que Explose, c'est un peu un ovni dans le paysage musical français, dans les labels, en fait. Je pourrais comparer ça un peu aux AMAP. Tu vois, les marchés bio, mmh. Voilà, il a sa propre plateforme de streaming, c'est propre vente numérique, c'est des ventes physiques. Et il y a des reversions aux artistes qui sont bien plus élevées et qui sont beaucoup plus intéressants pour nous que ce qu'on peut avoir en général dans les maisons disques lambda, quoi. Donc c'est un vrai, c'est assez militant en fait d'avoir, de travailler avec Jean-Marc Auzer qui a monté ce label. Il l'a monté il y a quelques années déjà et moi je le suivais déjà depuis un petit bout de temps et je trouvais que c'était vraiment une, voilà, il nous file un coup de pouce, on lui file un coup de pouce aussi parce que du coup on met un petit peu aussi en lumière de par la promotion aussi de Replica. On met un peu en lumière un peu plus son label et j'espère que bah, au fur et à mesure ce label va grossir et puis parce que à l'heure actuelle je pense que de nombreux artistes pourraient s'y retrouver vraiment parce qu'il faut savoir qu'on vend plus quasiment de disques, enfin c'est en deux ans ça s'est pas arrangé et que les recettes de streaming si ça nous permet d'acheter un paquet de cigarettes à l'arrivée on est content tu vois donc c'est ça devient très très très compliqué hein. Et c'est bon, ceci dit, voilà, on n'est pas le seul corps de métier à souffrir de la crise entre guillemets. Et puis, mais c'est un métier qui disparaît vraiment. Très bien. Du disque. On va parler un petit peu de ce que l'on peut trouver à l'intérieur de cet album 17. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Il y a quelques instrumentaux, je crois, il me semble, si je l'ai bien écouté. Oui. Alors il y en a qu'un en fait. Il y en a qu'un qui ferme l'album. Il y a une reprise une reprise de Stevie Wonder parce que c'est un artiste qu'on aime beaucoup et qui nous réunit un petit peu tous les deux. Donc c'est un nouveau clin d'œil à la Motown et encore un morceau de Stevie Wonder. Et puis j'ai l'impression comme ça, enfin c'est vrai que c'est un album qui a été plus composé pour le live parce que on se connaît un peu plus, on a fait quand même pas mal de dates ensemble. Donc il y a une meilleure cohésion de groupe, d'équipe et donc moins de re-re, moins de guitare, moins de surenchère de chœur aussi. Enfin j'ai l'impression qu'il est un peu plus brut. Plus live. Voilà. Justement, parlons du live. Le prochain concert pour vous voir sur scène, ça sera quand? Bah écoute, j'aimerais te dire que ça sera pas bientôt, mais j'attends des nouvelles là, d'une possible date parisienne qu'on devrait faire peut-être courant décembre. Mais j'ai pas eu de confirmation encore. Donc, Très bien. Donc on va surveiller le site, la page Facebook. J'espère qu'il y en aura beaucoup en 2019. Hein. On a une personne... Sylvie Gotland, que j'en profite pour remercier, qui vraiment aussi qui démarche beaucoup, qui enfin c'est un gros gros travail aussi hein, de chercher des dates, et convaincre les gens. Très bien, Yann. Bon, et je voulais te passer le bonjour donc de Didier Chéneau, que l'on a eu tout à l'heure, et également du prochain invité que nous allons avoir dans très peu de temps et qui est Monsieur Patomet. Ah oui, qui a sorti un beau coffret là. Justement, on va en parler avec lui, un coffret double CD, 23 titres. On va parler de tout ça, puisqu'il a fêté 23 ans de carrière l'année dernière. Et donc, voilà, c'est un grand monsieur aussi, un grand monsieur que nous aimons énormément, qui est venu maintes et maintes fois dans le Rock for Show. Et donc, on le reçoit tout à l'heure. On va continuer avec Yann Armellino et Al Buccio sur un deuxième titre. Ça s'appelle Let's Start Again. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Let's Start Again. Ah bah c'est un titre qui a failli ne pas se retrouver sur l'album parce qu'il a été longtemps en fait avec juste l'intro, le couplet et puis le refrain venait pas et donc c'est un titre qu'on a laissé de côté pendant pas mal de temps et puis on l'a finalisé peu de temps en fait avant de terminer l'album et puis finalement bah je suis plutôt content qu'il a trouvé sa place dans ces titres là dans ce patchwork là mais c'est vrai que c'est la vie d'un titre des fois dépend de peu de choses et puis laisser comme ça tomber pendant des mois et puis après tu le retravailles un peu Let's Start Again, nous on va lui donner vie dans le Rock for Show puisqu'on a apprécié ce titre et ça sera notre contribution à l'album 17 de Yann Armellino et Al Buccio. Sorti le 23 novembre dernier. Maintenant longtemps, parce que ça fait longtemps vraiment hein, que vous suivez en instru et avec Chris Caron et maintenant avec Al Buccio. Enfin, quand on aime on ne compte pas. Oui, mais... Et on est... moi, j'ai cette notion-là de fidélité. Et c'est vrai que les gens que j'aime, j'essaye de les suivre. J'essaye d'être toujours là, toujours dispo. Mmh. Et voilà, encore une preuve que c'est la vérité et que je ne raconte pas des bêtises. Donc, Yann, je te remercie en tout cas énormément de ta confiance durant toutes ces années, de ton amitié. Et puis, on va te souhaiter longue vie à Yann Armellino et El Bucho. On espère te voir très bientôt. Donc, surveillez les Facebook, surveillez les dates de concert, car une date risque d'être annoncée très bientôt pour décembre. Et sinon, ce sera pour 2019. Oui. Merci, Yann. Merci, Yann. Merci à vous, surtout. Et puis, à très bientôt en live. Bye bye. Salut. Bye bye. retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show pour la 35e année consécutive. Oui, oui, parce qu'on ne s'est jamais arrêté hein, pendant une année, comme certains festivals, comme certains groupes. Non, nous avons continué pendant 35 ans le Rock for Show. Et ce que vous venez d'entendre juste avant, c'était Yann Armenino et El Bucho tirés de leur album 17. Le morceau, c'était Let's Start Again. Et ben, quelque chose qui suit un petit peu Let's Start Again, puisqu'il s'agissait de Pat Homme, tiré de son nouvel album live, et c'était un titre de Marienthal, On the Road Again. Voilà, c'est un titre qui est extrait en live, bien sûr, d'un 23 titres DVD plus CD acoustique, un magnifique digipackbook, tout ce que vous voulez, c'est splendide. Et comme les choses se font correctement, se font bien, eh bien, au téléphone, nous avons qui ? Nous avons Monsieur Pat Homme. Bonsoir ! Bonsoir, comment tu vas ? Ah ben ça va très très bien mon cher Pat, heureux, très heureux de t'entendre et très heureux aussi d'avoir... D'être parmi vous, avec toi, pour cette émission exceptionnelle. Ah bah écoute, ouais, pour nous c'est un peu exceptionnel, c'est un peu... on a un petit peu la larmichette à l'œil quoi, parce que c'est vraiment la dernière, depuis le temps qu'on en parlait. Mais donc, on va parler surtout de ton actualité, de toi, mon cher Pat, avec ce magnifique coffret, parce que moi, j'appelle ça quasiment un coffret, 3 CD plus un DVD. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce que l'on peut y trouver dedans ? Parce que nous, on a eu la primeur, l'avantage et l'honneur de voir tous ces titres en live avec un orchestre bagade, avec plein d'invités. Il y avait Ron Tal, il y avait Diabolus, il y avait Patrick Ronda. Enfin, il y avait plein de monde d'invités sur scène. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce coffret ? Ouais, donc en fait, il y a deux versions de cet album. Il y a une version qu'on trouve dans les magasins où il y a les deux CD. Donc 23 titres pour l'album s'appelle One Night in Breslande. Donc voilà, et puis il y a une version collector qui va être plus en vente sur le site en fait et puis au concert. Où lui du coup on a les deux mêmes CD bien entendu, mais on a en plus un DVD du making of. Du making of du DVD, voilà. Enfin du concert. Du concert, ouais. Alors, on se pose. Il y a tout un tas de, il y a une heure de DVD de making of, de ça, un peu les coulisses, savoir comment on a monté ce projet-là, etc. Donc c'est assez. C'est un documentaire. Alors en tout cas, c'est un... Alors pour tous ceux qui ont la version collector, d'ailleurs j'ai un petit message à te passer de monsieur Yann Armelino que nous avons reçu juste avant et qui m'a dit « Tu diras à Pat, merci pour tout parce qu'il a bien reçu le coffret. » Ah, excellent. Voilà, il te donne rendez-vous sur scène d'ailleurs pour faire une joute guitaristique, me semble-t-il. Donc on prend rendez-vous et puis surtout, vous nous prévenez. Hein. Allô ? Allô ? Ouais, je disais surtout, on prend rendez-vous et vous nous prévenez quand ça aura lieu. Ah oui, tout à fait. Ouais, bah ça fait partie des grands plaisirs de jouer avec des potes sur scène, dont Yann bien entendu fait partie. Mais puis que Didier chez nous, enfin il y a plein de copains, je crois que tu as vu un peu tout. Et puis toute cette tournée-là, en fait, pour cet album-là. On va se débrouiller pour avoir quasiment à chaque fois un invité pour venir jammer sur Whiskey in the Jar, ça c'est sûr. Et puis sur un ou deux autres titres, soit de mon répertoire ou du leur, si d'aventure ils ont une carrière solo, ce qui est le cas de par exemple de Yann ou de Didier ou de plein d'autres musiciens qui vont venir nous rejoindre. Comme ça, ponctuellement sur scène. On va essayer de tenir un peu l'esprit de ce qu'avait été l'enregistrement de cet album. En tout cas, c'est un magnifique témoignage. Nous avons encore les images dans la tête, puisque ouais, nous avons vraiment pris un pied énorme. Et surtout, on espère revoir ce genre d'organisation, ce genre de choses de ta part, hein, parce qu'on sait toujours qu'il y a des grosses, grosses surprises venant de Pat Homme, notamment ce petit concert aux Zèbres de Belleville également. Ah, c'était génial. On a adoré cet endroit-là. En plus, c'était la première date de la tournée. Donc j'espère qu'on va revenir jouer sur Paris, c'est à peu près sûr, l'année prochaine. Je ne sais pas encore quand ni où, mais en tout cas, ce sera un grand plaisir de revenir sur Paris, parce que c'est toujours une... je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est vrai qu'à Paris, il y a toujours un truc spécial qui s'est passé, qui se passe avec le public et qui s'est passé, donc qui devrait se refaire dans les mois ou dans les années à venir, ouais. Très bien, on va parler un petit peu de ce que l'on peut trouver sur cet album, des titres. Il y a des titres à toi, il y a des titres de Pat O'Meay, il y a des titres de Patrick Ronda, il y a des titres également de Marianne Thal, parce qu'on a fait quand même un gros clin d'œil à Marianne Thal, qui était ton premier groupe. Bien sûr, ça a été génial. C'était quand j'ai organisé ce concert-là, en fait, c'est un peu pour fêter les 23 ans de carrière, etc., de repartir sur un album studio. C'était le bon moment pour le faire, et puis j'avais envie de d'émailler ce concert-là, de d'amis, de potes qui ont participé à un moment ou à un autre soit des albums, soit des tournées. Voilà, ce genre de choses-là. Donc j'avais vraiment envie que ce soit une réunion de potes, voilà, autant au niveau du public qu'au niveau des musiciens. Et puis tant qu'à faire, des gens comme Patrick Ronda, etc., ils ont une carrière solo, etc., et j'avais vraiment l'envie de jouer un morceau, pas seulement parce que les invités, et puis venez jouer ma musique, etc. J'avais vraiment qu'il y ait un échange encore plus fort que ça. Et donc, on a pris un plaisir fou à bosser les morceaux des invités quand il y en avait. Hein. Donc, tout le monde n'a pas une carrière solo. Mais voilà, je pense à Patrick Ronda, avec Mindscape, avec Pat McManus, avec Belfast Boy. Et puis bien sûr, l'incontournable Ron Thal, où ça a été vraiment aussi un grand plaisir de l'avoir et puis de jouer son morceau dans le Tu peux être où et moi. Alors on va rendre hommage aussi à un autre artiste qui était avec toi sur scène, puisqu'on a choisi un deuxième titre à diffuser de cet album. Ça s'appelle The Trolls, et nous retrouvons donc, je te laisse le présenter, notre ami Diabolo. Diabolo, c'est le Diabolo, c'est l'harmoniciste, hein, qui a commencé sa carrière avec Jacques Higelin dans les années 80. C'est vraiment le musicien chouchou un peu d'Higelin et puis du public d'Higelin à cette époque-là. Et puis il a fait plein de trucs, hein, il a joué avec Bachoun, avec Christophe, avec plein de gens. Je sais qu'il joue aussi avec Manu Lanvin, par exemple, de temps en temps, des choses comme ça. Et vraiment, c'est moi, c'est quelqu'un qui m'a vraiment sponté, il m'a trouvé le cul, quoi, tout simplement, hein, quand la première fois que je l'ai entendu jouer. Et du coup, il a joué sur mes deux premiers albums. Et comme je te disais, comme je voulais vraiment faire une espèce de flashback sur tous les albums que j'avais fait, c'était vraiment je voulais vraiment qu'il soit là. Et puis Trolls est vraiment le morceau par excellence pour lui. Et puis comme tu vas l'entendre, comme toi tu sais que tu connais l'album, mais que les gens vont découvrir, il joue de l'harmonica d'une façon complètement hors norme, avec un hors norme, voilà quoi. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la générosité, et puis c'est ça qui nous plaît, c'est ça qui nous a tenus, et je pense que c'est ce qui tient aussi. Et voilà, et c'est tellement bon de voir des gens généreux, ça fait du bien à l'âme. En tout cas, en parlant de généreux, on peut dire que Pat O'Meay est aussi quelqu'un de très, très, très généreux. Et c'est pour ça aussi que notre amitié, notre longévité, et à chaque fois qu'un album est sorti de Pat O'Meay, on a essayé de faire en sorte que Pat passe dans le Rock for Show. Il a toujours répondu présent lorsqu'on organise un concert et qu'on l'appelle, là, il répond présent. Merci encore pour le PMFF 6. C'est un plaisir. Attends, c'est vraiment un bonheur. Je vous rappelle, ce concert du PMFF, ça a été vraiment un moment super important pour nous, quoi. Puis et l'occasion de recroiser tout un tas de copains, dont Diabolo, tiens d'ailleurs, qui était aussi sur ce concert-là. Voilà, en tout cas, un grand, grand, grand merci à toi. C'est la dernière, donc on a envie d'embrasser tout le monde, on a envie de remercier tous ceux qui ont participé à ces émissions durant toutes ces années. Tu sais, c'est surtout nous qui avons envie et besoin de te remercier, parce que c'est tellement important et tellement rare, les gens qui font le travail que tu fais, que tu as fait. Je suis sûr que tu continueras à faire sous une autre forme. Probablement tu vas encore nous ressortir des choses magiques de ton chapeau et voilà, et mille merci à toi d'avoir tenu cette émission là, l'avoir créée et de l'avoir fait durer dans le temps et perdurer et c'est vraiment c'est exceptionnel. Alors mille bravo à toi, bon vent, éclate-toi bien et puis reviens-nous très vite. Merci beaucoup à toi, Pat. Ça me touche vraiment énormément. Et de toute façon, on n'est pas sans se revoir. T'inquiète pas. On a effectivement des petites idées. On en parlera plus tard. Il faut les mettre en place. Faut retomber sur ses pattes. Il faut un petit peu analyser tout ça. Et puis on verra. En tout cas, on va se quitter avec toi pour ce soir, pour l'instant, avec le morceau The Trolls, tiré de ce magnifique coffret, 23 titres, double CD. Et on se revoit en 2019. En attendant, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et plein de bonnes choses pour 2019. Bonne fête à tous et à très très très très vite. La grosse bise, Pat. Bye bye. Grosse bise. Bye. Ciao. Hey ! Salut Tom ! Salut Phil ! Ici c'est Steph d'Ultra Rock. Alors comme ça, on veut nous quitter. À ce qui paraît, c'est la dernière du Rock for Show. Ben moi j'y crois pas trop. Moi j'y crois pas trop, nom de Dieu ! Ouh là là, voilà que je blasphème. Alors les gars, qu'est-ce que vous manigancez? Quelqu'un vous aurait jeté un sortilège? Ou peut-être une malédiction? Après toutes ces années, votre travail de titan, vous êtes des killers les mecs! Non, moi j'y crois pas trop. Franchement, c'est un beau coup marketing. Moi je sais bien, ouais je sais bien que c'est un coup à la Scorpion, un coup à la Ozzy. C'est pas une émission d'adieu. Bon, en tout cas, pour l'instant, je vous fais des bisous, mais pas sur la bouche, bande de coquins! Retour dans les studios et on remercie notre cher ami Steph Martinez d'Ultra Rock sur RGB en FM et vous retrouvez tous les un dimanche sur deux à partir de 20h30 je crois jusqu'à 22h30 n'est-ce pas mon cher Beethoven? 19h30 21h c'est 19h30 21h 30 19h même. Ouais, d'accord. Enfin, t'es sûr? Tu veux pas nous en donner à 18h30? J'y vais toujours avant pour manger les bonbons, mais on est toujours bien reçus à Ultra Rock. Ouais. 99.2 sur la bande FM. Sur RGB. Alors, en tout cas, on le remercie. Et RGB.net, si je ne me trompe pas. Aussi également. Et Ultra Rock sur Facebook. Ouais. Toutes les reviews d'albums, les reviews de concerts. Très, très actif, hein, cette radio. Ouais. Une équipe formidable. Voilà, que connaît bien Hervé également. N'est-ce pas, mon cher Hervé? Pas du tout. Je connais surtout Stéphane, évidemment. Ouais. En tout cas, on lui fait des gros poutous à notre cher Stéphane, sauf Hervé, bien évidemment, qui lui fait des gros bisous, mais à Lulu. Tout passe par Lulu, de toute façon. Petit canaillou. Voilà, et ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Powerwolf, tiré de leur album The Sacrament of Steel. Sorti chez Napalm Records le 20 juillet dernier. Ils seront en concert. Alors, ils ont été en concert à Paris. Et il y a 10 dates pour 2019, dont celle où vous pourrez retrouver le Rock for Show le 17 janvier à Rouen, à la salle qui s'appelle le 106. Voilà, donc ça, c'était une petite annonce pour Powerwolf. Nous allons enchaîner avec des nouveautés cette fois-ci avant de retrouver un futur prochain invité qui viendra nous parler un petit peu de son actualité, également de son groupe. On vous laisse la surprise. Pour l'instant, on va parler d'un groupe, je vais laisser parler mon ami Tom, hein, puisque nous ne l'avons pas trop entendu depuis le début de cette émission. Je suis très bien où je suis. Oui, je sais, mais j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de Kilmara. Kilmara, le groupe qu'on va écouter juste après, qu'on va découvrir avec leur album Across the Veil of Time et le titre Disciple, ou c'est même l'inverse plutôt. Non, c'est ça, c'est complètement ça, Tom. Sorti sur le label Rock of Legend Records. Rock of Angels. Records. Et les initiales en fait forment une onomatopée qui fait Roar. Roar. Roar. Ah ouais. Voilà, c'est sorti quand ça? C'est sorti le 31 août dernier, c'est leur quatrième album formé en 2003, ils nous viennent de Barcelone en Espagne, ne vous trompez pas, hein, il n'est pas passé Barcelone ailleurs, et c'est du métal mélodique mon cher Phil. Alors sachez que ce groupe, quand il a entendu que ce serait certainement la dernière émission du Rock for Show, nous a contacté directement en disant « vous n'avez jamais passé notre groupe, est-ce que vous pourriez le passer pour cette dernière émission ?» Et bien voilà, c'est chose faite et hola, viva España avec Kilmara. Nous enchaînerons ensuite avec... Alors là, nous allons dans le pays du soleil levant, mon cher Tom, avec cinq charmantes jeunes filles. Je te laisse en parler. Et le titre de ce groupe, Love Bites. Ils sont passés à Paris il n'y a pas très longtemps, avec le groupe qu'on passera juste après. D'accord, c'est gentil de prévenir. Et leur titre, Clockwork Immortality, sorti de l'album Mastermind. Là, c'est l'inverse, Tom. Oui, bah là, tu vois, je sais jamais. Je n'ai jamais su. En majuscule, je t'explique. En majuscule, c'est les albums, et en minuscule, c'est le titre que l'on passe. Tu vois, je ne savais jamais. Et c'est bien, on remarque au bout de 5, 6 ans, c'est bon. Hein. 4, 3, 3. 2, 1, 0, parfait. C'est un quintet de power metal féminin, comme l'a dit mon cher Phil, formé en 2016 au Japon, à Tokyo. Ils étaient donc, comme tu le disais, avec Except One le 20 septembre dernier à Paris. Voilà, et ça tombe bien puisque Except One, c'est le groupe qui suit après. C'est un groupe français. Et on va vous diffuser un titre de l'album Fallen, qui est leur deuxième album. Le titre s'appelle Under the Bombs. C'est sorti sur un label qui s'appelle DIV et c'est sorti le 23 novembre dernier. Et ils nous viennent donc de Paris. C'est un quartet de métal formé en 2013. On envoie tout de suite la musique et on se retrouve tout de suite après avec notre prochaine invité. Si jamais vous voulez envoyer des SMS aussi au Rockforshow, on a toujours le numéro 06 81 01 28 34. Effectivement, merci Tom. Sound.

retour dans les studios du Rock for Show pour les 35 ans de cette émission miteuse, non, mythique, excusez-moi. Nous venez d'écouter Kilmara, nous avons enchaîné avec Love Bites et nous venons de terminer avec les Français d'Except One. Et nous allons retrouver d'autres Français, vous l'avez reconnu, on va remettre quelques petites notes de musique, mon cher Tom, vas-y. Tu veux qu'on reparte ? Non, mais remets-nous, mais monte le son. Oh là là là là, ça c'est bon ça ! Ça joue de la guitare, ça touche. Eh, ça joue, il y a de la batterie, il y a de la guitare, il n'y a pas trop de chant là. Ouais. Il va arriver le chant, tu crois ? Je ne me rappelle plus s'il arrive tout de suite le chant. Bah, je crois que le chant est au téléphone, bonsoir ! C'est du teasing. Bonsoir le Rock for Show. Bonsoir Matt. C'est Matt de Conscience à l'appareil. Voilà, et ce que vous entendez en fond sonore, c'est également Conscience. Voilà un petit teasing qu'avait fait Matt dans la dernière émission où il était passé. Alors comment vas-tu ? Ça va très bien, hyper content d'être avec vous et hyper touché d'être invité à cette dernière, mais en même temps hyper ému, je me demande à quel moment je vais me mettre à chialer sur tout ça. Ah bah, faut pas. Chiale pas parce qu'après il va y en avoir partout, tes papiers vont être tout humides. Et puis nous, on a Tom a gardé toutes ses couches, hein, donc on pourra pas t'en envoyer. Je suis désolé. Mais en tout cas, on est vraiment content et surtout fiers d'avoir soutenu un groupe tel que Conscience. Et voilà, c'est comme on disait tout à l'heure avec Pat Thomet, avec Yann Armellino, avec Didier Chéneau. Bah, c'est des amitiés qui se sont formées à travers cette émission. Et on en est quand même pas peu fiers parce qu'on a soutenu des groupes qui sont toujours là et qui font un travail qui nous sied complètement dans cette émission. Alors parle-nous un petit peu de l'avenir de Conscience, qu'on sait que vous êtes en plein travail. Il y a des petites choses qui circulent un petit peu sur les réseaux sociaux. Parle-nous un petit peu de ce futur travail qui va avoir voir le jour en 2019. Alors, tu me connais, je vais pas du tout respecter ce que tu vas faire parce que c'est inadmissible. C'est pas possible que ça soit la dernière et que ce soit encore toi qui m'interview. Ça a commencé en 2004. Il y en a marre maintenant des questions. C'est du harcèlement, monsieur. Donc, on va inverser la tendance. C'est moi qui vais poser les questions, Scooty. T'es prêt à jouer le jeu ? Allez, bien sûr. Allez, on y va. Alors, je pense que tout le monde voudra savoir, hein, tout le monde me rejoindra, on veut savoir, en 35 ans, comment est-ce que tu as fait pour avoir à chaque fois, mais tout au long des années, la team la plus sexy de toute la radio ? On veut savoir comment tu réalises ce tour de force. Alors, en plus, là, c'est génial ce que tu viens de me dire, parce qu'on n'a pas encore rendu hommage à toute l'équipe, à tous les gens qui sont venus en tant qu'animateurs dans le Rock for Show. Donc c'est vraiment génial. Alors la team la plus sexy, je pense que c'est celle avec Tom, la dernière. Hein, je crois que c'est la meilleure. Hein, Tom, notre couple, Tom et Phil, ou Phil et Tom, je sais pas. Ça fait un peu comme Tom et Jerry, comme Pippo et Bimbo, comme Michael et Jekyll. Bah, franchement, je crois que c'est la plus sexy de toutes les équipes. Pourquoi ? Bah, parce que je pense que on a toujours fait cette émission avec passion. Sans filtre, il n'y a jamais eu de filtre, jamais elle a été dictée par qui que ce soit, que ce soit un label, que ce soit une maison de disques, que ce soit des financièrement également, tel qu'on a pu nous accuser à un moment donné, CF, notre ancien diffuseur. Voilà, je pense que ce qui a fait tout ça, cette longévité de cette émission, c'est qu'elle a été animée par des gens qui étaient passionnés par ça, et juste la passion. On rappelle quand même que nous sommes tous des bénévoles, et qu'à aucun moment, quelqu'un a été payé pour faire cette émission. Voilà, mon cher Matt. Et tu veux dire, donc en gros, si on déduit ce que tu viens de dire, tu veux dire que globalement, les gens qui sont passionnés par le rock et le métal comme ça, c'est que des gens beaux, quoi. C'est ça le truc. C'est des gens beaux et des gens bons. Ah ouais, non, des gens beaux, je te dis, t'as eu de tout temps, hein, ça a toujours été la team la plus sexy. Effectivement, Tom l'incarne bien là maintenant. Hein, c'est Alors on va les citer puisqu'on les a sous les yeux. Eddie Metal, Pedro Canroll, c'était les fondateurs de cette émission. Ensuite est venu se greffer Eric the Viking. Ensuite, nous avons eu Rock 14 qui était venu. Il y a eu Arnaud également, Arnaud Collet. Il y a eu Manu, Il y a eu Archéon, Meul, mon cher ami Nico qui voulait absolument passer un petit message dans cette émission, mais qui est en plein travail. Il y a eu à la technique Boy Wonder, Anne-Lise qui était aussi une chroniqueuse. On a eu Miss Steph qui était là pour faire des traductions, faire des reports de concerts, des choses comme ça. On a eu également La Fée, Audrey, Cynthia. On a eu Emma. Qui c'est qu'on a eu encore? Naturlish également. Miss Goji. Vince. Ah ouais, Vince aussi. Très sexy, Vince. Hein, très, très, très sexy. Surtout au niveau de la barbe. Surtout au niveau de la barbe. D'ailleurs, on l'a croisé au concert de Bukowski jeudi soir. Il est en pleine forme, le Vince. Il y avait également Sven à la technique. Il y avait Anthony à la technique. Et dans les dernières sexy, les super sexy, il y a eu Jen Lalouve. Et également Miss Ellie, Elodie, voilà, qui ont fait partie de cette émission. Soniata, t'as peut-être oublié. Et j'ai oublié Soniata, effectivement. Emma, je crois que tu... Emma, je l'ai dit, mais j'ai oublié, Sven. Effectivement, Soniata. Voilà, donc j'en ai certainement oublié, hein, mon cher Matt, hein, mais qu'on me pardonne. Non, mais en tout cas, côté groupe, on a toujours été super reçus, et par les équipes successives, c'était vraiment un plaisir toujours de venir. Surtout, il y avait un petit côté dans cette émission, un petit côté, sacrée soirée, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on venait, on avait des surprises. Moi, j'ai rencontré Daniel Gildenlow, qui est un peu une de mes idoles, en venant, en étant invité au Rock Port Show. Un jour, il y a une de mes idoles aussi, qui s'appelle Pascal Bétov, qui m'a posé des questions sur conscience. Franchement, ça a été surprise sur surprise, et je peux que remercier le Rock Floor Show pour tout ça. Bah, je vais laisser quelqu'un répondre, tiens, pour rebondir un petit peu sur la chose. Il est où? Il est parti où? Il est là. Je suis là. Salut mon Matt. C'est moi ton idole. C'est toi mon idole maintenant. Ça s'est inversé, tu vois. Enfin, quand on est deux idoles tous les deux, moi ça me fait pleurer parce que franchement. On est vraiment dans sacrée soirée, hein, là, c'est clair. Ben voilà, il y a Hervé Guégano qui est là, il y a Pascaline, il y a Tom, bien évidemment, il y a Beethoven. Tout à l'heure, nous avons reçu Didier Chéneau, hein, que tu connais également. Nous avons reçu Yann Armellino et Pat Omet. Voilà. Et puis, surtout, je voudrais vous remercier tous, d'avoir toujours répondu présent quand on a eu besoin de vous, que ce soit pour les concerts de soutien, que ce soit pour les concerts, les PMFF, pour toutes ces choses-là, pour toute cette amitié aussi qui s'est greffée. Et à chaque fois qu'on a demandé à Matt, tu peux venir dans une émission, c'était toujours avec une grande générosité que tu venais... même pour les anniversaires, jouer toute la nuit, même à pas d'heure du tout, même on peut le dire, où tu prenais ta guitare et tu nous grattais quelques morceaux, quelques reprises, quelques titres de conscience. Encore un grand merci à toi. Eh ben, avec grand plaisir, et j'espère qu'on pourra continuer à se remettre ça. J'ai le droit à une deuxième question ou pas? Oui, tu as le droit à autant de questions que tu veux. Vous me dites, hein, vous me coupez quand vous voulez, parce que sinon je peux continuer. Ah, toi aussi tu vas te couper. Dans ma deuxième question, on vient de parler de Pascal, donc c'est directement lié. Quel dossier a sur toi ADX ou Pascal en particulier pour que tu les aimes autant? Il y a forcément un dossier, ils te font chanter, c'est pas possible autrement. Non, non, enfin ils m'ont fait chanter sur Division Blindée, on rappelle, sur Caligula aussi. Ouais, non mais là on peut pas en parler de ça à la radio, tu sais, c'est des dossiers secrets. Tu sais, c'est un peu comme l'économie souterraine, on n'a pas le droit d'en parler à la radio, hein, donc on se connaît depuis tellement, tellement, tellement longtemps que même s'ils ont des dossiers, moi je m'en rappelle même pas, et je pense que c'est pas spécialement des dossiers secrets, mais le jour où ils vont les sortir, j'ai intérêt à me planquer quand même. T'as intérêt à te planquer, c'est clair. Et sinon, là, pour toutes les personnes qu'on a citées qui ont participé à l'émission et tout ça, en particulier là, la dernière équipe qui fait tourner le Rock for Show, sur quelle radio on va vous retrouver bientôt? Bon, bah, question, c'était la question subsidiaire. Bah, on sera toujours sur Radio Biz, puisque Eric Flynn, notre diffuseur au Canada, au Québec, vous en parlera, parce qu'on va faire une petite interview d'Eric qu'on diffusera soit en début d'émission, soit en fin, parce qu'on ne peut pas l'avoir en direct. Mais il lui répondra à cette question. Mais logiquement, on devrait retrouver quand même pendant pas mal de temps le Rock for Show sur Radio Biz. Voilà, mais Ça, je laisserai Eric en parler à sa façon et dans la formule qu'il aimerait voir le Rock for Show diffusé sur Radio Biz. Raoul, écoute, sinon, moi, j'avais une dernière question subsidiaire, mais t'es pas obligé d'y répondre. Hein, c'est qu'est-ce que vous avez fait de tout l'argent d'un YFM que vous avez détourné et franchement, avec ça, normalement, vous auriez dû guérir le cancer. Et je comprends pas comment ça se fait que c'est pas encore déclaré au monde, quoi. Bah, on a tout donné au Téléthon le week-end dernier. Voilà. Bien joué. Ça, pour blanchir l'argent, il y a rien de mieux. Bah ouais. Et puis surtout, on espère qu'il va servir à quelque chose et non pas à dénoncer des causes qui ne ou des à dénoncer des choses qui n'ont jamais eu lieu. Enfin bon, voilà quoi. Cette histoire, cette aventure, on a eu le fin mot de l'histoire. On vous l'a diffusé d'ailleurs sur Facebook récemment. On a eu le fin mot de l'histoire, pourquoi le Rock for Show a été viré, on n'a pas été les seuls, hein. Pourquoi les émissions musicales qui ne rapportaient pas d'argent ont été virées de chez Aligre FM, maintenant on le sait, tout simplement c'était pour financer, parce que c'était des financements plutôt qui arrivaient de Russie par Radio Spoutnik, et maintenant Radio Spoutnik, depuis notre éviction, est diffusé sur Aligre FM, voilà. Nous ne rapportions pas d'argent, maintenant ils ont de l'argent, et là on peut dire, en plus de ça, bon, Radio Spoutnik, renseignez-vous, c'est quand même dans un milieu assez extrême, on va dire. Contrairement à ce que prônaient les dirigeants de cette radio qui nous diffusait pendant pas mal d'années. Voilà, mon cher Matt, en tout cas, on te fait des gros bisous. Merci pour ces questions. Ouais. Et puis, Encore une fois, merci pour tout. Le Rock for Show, je suis conscient depuis 2004. J'ai répondu à aucune question sur conscience, mais je pense que les gens sauront où se renseigner. Et franchement, j'ai accepté l'invitation, surtout pour rendre un bel hommage et merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Bon, en tout cas, tu as ta conscience pour toi, je crois. Ah, celle-là, tu la feras jusqu'au bout. Hein, je pense. Allez, je te fais des gros bisous et puis à très très bientôt en 2019, parce que là, ça aura été un retour dans le passé, en 2019 pour avoir des nouvelles de conscience et surtout un nouvel album et plein de prestations live. On te fait des gros bisous, mon cher Mathieu. Bye bye. Ciao et ciao à tout le monde que je connais dans le studio. Ciao, ciao. Salut, Matt. Bon, on va poursuivre cette émission avec maintenant qu'il a réussi à faire naître l'émotion encore plus. Bon, je ne pleurerai pas ce soir comme je l'ai fait sur différents festivals. Hein, un festival des festivals. On parle bien de France ce soir. Ouais, complètement. Ça va être bien avec le Québec tout à l'heure. On va parler. Ça va être super. Tu vas voir. On va passer à des nouveautés après avoir passé Mathieu de Conscience. On le remercie encore une fois. On va passer à Oumph. Oumph. Hein, c'est pas ouf. Non, c'est Oumph. Oumph, groupe allemand qui nous a sorti un album qui s'appelle Ritual, c'est ça? Yes. Et le morceau que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Kein Liebe Schlied. Liebe Schlied. Kein Liebe Schlied. Ça doit vouloir dire quelque chose comme pas. Kein, c'est pas. Jamais. Quelque chose comme ça. Hein. Et Liebe Schlied, bah, il n'y a pas de Liebe Schlied. Je pense que vous aurez tout compris. En tout cas, Tom ira chercher tout à l'heure. J'y vais de ce pas le temps que tu finisses la programmation. Voilà, donc Ritual, sorti chez Napalm Records le 30 novembre dernier. C'est un groupe de métal industriel germanique et gothique. Formé en 1989, c'est pas tout jeune. Ils nous viennent d'Allemagne et ils seront surtout en concert. Trois dates. Il y en aura une le 17 mars 2019 à Strasbourg à la Laiterie. Une autre le 20 mars donc 2019, bien entendu, à la Machine du Moulin Rouge à Paris. Et enfin, la troisième date de Oumph sera le 24 mars à Lyon, au Ninkasikao. Alors, mon cher Tom, on a trouvé ce que c'était Kein, Liebeschild. Aucune, comme tu le dis. Liebe, amour, c'est aucune chanson d'amour. Voilà. Aucune chanson d'amour. Et ben voilà, aucune chanson d'amour de la part de Oumph. En tout cas, nous, des chansons d'amour et de l'amour, on nous en envoyons plein. On a bonne conscience. Avec un autre groupe qui s'appelle Lost in Grey. Alors là, nous allons dédicacer ça à tous les amoureux de prog mélodique, de choses comme ça. Qui, franchement, j'ai un petit peu craqué sur ce métal symphonique prog, sur ce groupe Lost in Grey. Ça nous a été envoyé récemment, très récemment. L'album s'appelle The Wasteland. Je vous propose d'écouter le titre éponyme sorti chez Reaper Entertainment qui sortira le 25 janvier 2019. C'est du métal symphonique infos progressifs. Le groupe s'est formé en 2013 en Finlande. Et enfin, nous finirons avec un chien. Lucky Luke. Ah non, merde. Oui, le chien de Lucky Luke, tout à fait. Ce sont des Allemands, encore eux. Le groupe s'appelle Rantemplan. Exactement, Rantemplan, tiré de leur album Stay Rudel, Stay Rebel. Et le morceau que je vous propose de découvrir, qui est en allemand, s'appelle Stay Rudel, Stay Rebel, sorti chez Draka Entertainment le 25 janvier prochain. Donc là, pour le coup, ce sera vraiment des nouveautés. C'est le 10e album du groupe, ils font du ska punk. Et apparemment, c'est un groupe culte en Allemagne. Moi, c'était la première fois que j'en entendais parler. Voilà, donc Rantemplan, c'est pour vous, dans vos oreilles. C'est le Rock for Show. On se retrouve tout de suite après. 06 81 01 28 34. Si vous voulez nous souhaiter un bon anniversaire via les SMS ou nous envoyer tous vos messages d'amour ou de haine, allez-y. Glück. Dies ist kein Lied über Hoffnung. Dies ist kein Lied über Frieden und Freude. Dies ist ein Lied über dich. Die Sonne kann nicht ohne Schein, das Licht nicht ohne Schatten sein. Darum hasse deinen Nächsten wie dich selbst, denn das Schönste hier auf Erden ist hassen und gehasst zu werden. Du und ich, ich und du, du bist taub, ich hör nicht. Singt mit mir. Dies ist kein Liebeslied. Es ist kein schönes Lied. Dies ist kein Liebeslied. Und trotzdem werdet ihr es lieben. Dies ist kein Liebeslied. Es ist kein schönes Lied. Dies ist kein Liebeslied. Und trotzdem werdet ihr es lieben. Dies ist ein Lied über Wut. Dies ist ein Lied über Rache. Dies ist ein Lied über Lügen und Abscheu. Dies ist ein Lied über dich. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, und kein wollte wie Abel sein. Darum hasste er den Bruder wie sich selbst, denn das Schönste hier auf Erden ist hassen und gehasst zu werden. Du und ich, ich und du, du bist taub, ich hör nicht zu. Ich und du, du und ich, du hast mich, ich lieb dich nicht. Dies ist kein Liebeslied, es ist kein schönes Lied. halten ohne Liebe. Ich heize mein Herz nur mit Dope ohne Liebe. Ich muss raus zu den Hunden und heule zum Mond voller Schmerz ohne Liebe. Ich muss raus zu euch Hunden, denn da wo ihr Hunde seid, da ist meine Familie. Stay rude, stay rebel. Ich war blind ohne Liebe, ohne euch, meine Lieben. Seh sich noch tief im Loch und wer unten geblieben. Mit euch tanz ich auf Wolke 7 und heule zum Mond voller Schmerz, voller Liebe. Und es bleibt unsere Zeit, denn da wo wir Hunde sind, da ist unsere Familie. Stay rude, stay rebel. Vous êtes toujours à l'écoute du Rock Flow Show. Vous venez d'écouter Oomph suivi de Lost in Grey. Et nous avons terminé avec Rentemplant. Rentemplant, c'était bon ça, c'était allemand. C'était vachement bien. Et ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Vulcan, les maîtres de la foudre. Qui nous ont sorti un superbe album qui s'appelle Vinyl, sorti chez Season of Mist le 28 septembre dernier. Et sachez que le concert qui a été annulé, mais pas complètement annulé, puisqu'il est seulement déplacé, il a été déplacé à cause des gilets jaunes. Alors, gilets jaunes qui ont empêché Vulcan de jouer, c'est pas sympa. C'est ça, un peu casse-cou de gilets jaunes. Ouais, c'est pas sympa. Mais enfin, vous pourrez retrouver Vulcan donc au Gibus live. Et ce sera le 19 janvier. Prochain en 2019, donc une fois que vous aurez bien fêté Noël, jour de l'an, mon anniversaire, bah ouais, bonne année, grand-mère. Bah ouais, non, mais tout quoi, et bien vous pourrez aller voir Vulcan le 19 janvier au Gibus. Voilà le groupe français de Paris qui fait du métal, du hard rock métal, et qui a fait une très très belle prestation également à Vouziers, n'est-ce pas, mon cher Beethoven? Je pense que tu peux confirmer. Hein, oui, j'ai pas de micro, mais oui. Il n'a pas de micro, mais il confirme. Bon, bah c'est très bien. Et nous allons recevoir, eh bien, un nouvel invité qui vient de... C'est bon ? Ça a raccroché ? Hein ? Donc on... Non, c'est bon ? C'est bon ? Alors, on... voilà. Ça appelle en direct. On appelle en direct, voilà. Vous inquiétez pas. C'est la valise du Rock for Show. Voilà. Allô, Nico ? Allô, bonjour ? Oui, bonjour. Allô, bonjour, c'est pour la valise du Rock for Show. Ouais, je t'entends très très mal, c'est une horreur, ça marche toujours pas. Hein. Je disais, c'est la valise du Rock for Show, monsieur Nico. Oui, bon bah oui, bah, je sais, on s'est parlé juste avant l'émission. Non, dis pas que c'est truqué, ne dis pas que c'est truqué, malheureux. Oh là là là là là là, ça y est, on va encore avoir des ennuis avec la police. Toujours aussi amateur je suis, tu vois, qui est l'idée. Que dire de plus, Phil ? Comment te sens-tu là tout de suite maintenant ? assis sur ma chaise, sur mon postérieur, en train d'écouter de la bonne zik, comme on l'a toujours fait depuis 35 ans. Voilà, bah écoute, j'ai envie de te dire, je vais continuer le tapis rouge que je pense de toute façon qui s'est passé ce soir. Merci Phil pour tout ça, merci pour notre équipe. On a fait partie avec Meul, avec Archéon, avec Julien, avec Aileen de cette aventure incroyable qui a duré 35 ans. Je sais plus combien de temps on a duré, c'était juste formidable. On t'aime de l'amour le plus pur du monde, hein, tu vois. Mais pas dans les fesses. Tu ne m'as pas laissé finir ma phrase. Et voilà, mais c'est waouh, on se disait mais quand Phil va-t-il arrêter, et là tu arrêtes aujourd'hui, et c'est voilà, c'est je suis content que tu m'aies appelé, et voilà, je suis triste mais en même temps heureux parce que tu vas peut-être commencer à avoir une vie maintenant, et ça me fait plaisir. Bien Nico, bien, bien, bien. Bah, c'est bien d'avoir cité tous ces gens. Alors je t'explique, vous êtes rentré dans l'équipe en 2006. Ouais. Voilà. Après je sais pas quand est-ce que vous en êtes parti, mais je sais que c'était en 2006 l'entrée, puisque Meul a été le premier à y rentrer en juillet 2006. Il est venu comme ça foutre le bordel et il en est jamais reparti. Bah oui, c'est ça. Et puis même quand on en est reparti, parce que bah la vie a fait qu'à un moment, bon bah on a essayé d'avoir une vie sociale, des meufs éventuellement aussi. Et ben on était quand même encore un petit peu là malgré tout, quoi. On t'écoutait encore et puis c'était c'est toujours génial. Voilà. Bah tu vois. Je suis ému. C'est con, hein, je suis ému qu'on se parle le jour de la dernière du Rock for Show. Et puis, je voulais dire que grâce à toi, en fait, eh ben, j'écoutais du heavy metal avec des mecs habillés en lycra à cause de toi. Merci encore pour ça. Rien que pour ça. Je me suis mis à écouter du Dio, des gars avec des brushings. Enfin, voilà. Merci pour tout, Phil. Voilà. Des gars avec des mulets aussi, t'as oublié de dire. Avec des mulets, mais bon, on avait Eric le Viking à l'époque où il y avait un mulet quand même, hein, donc dans l'histoire, il avait un beau mulet aussi, c'était génialissime. Voilà. Bon, alors, en tout cas, aujourd'hui, d'après Matt de Conscience, il paraît qu'on est l'équipe, aujourd'hui, hein, je parle d'aujourd'hui, au mois de décembre, on est l'équipe la plus sexy avec Tom et Phil à l'antenne. Est-ce que tu cautionnes ? Absolument pas. Évidemment, bien sûr que non. Merci, c'est gentil. C'est ce qu'on attendait de toi. Bon, et sinon, présent dans le studio également, tu as Beethoven, si tu veux le saluer, et Hervé Guégano et Pascaline, que tu as dû voir sur Facebook. Alors Pascaline, nous sommes croisés. Hervé, je ne te connais que de réputation et de nom. Donc, et heureux de te dire que je t'ai lu dans la presse à une certaine époque. Et Beethoven, ben des bisous, évidemment, hein, comme d'habitude, mais pas dans les fesses. Voilà. Cette fois-ci, je t'ai pas coupé. Hein. D'accord, juste sur la joue, voilà. Bon, en tout cas, mon cher Nico, toi, si tu es parti de l'émission, c'est aussi un petit peu parce que tu as déménagé et que tu t'es rapproché un petit peu plus du Hellfest. Ben oui, tout à fait. Donc, rendez-vous pendant le concert de Manowar en slip au premier rang, hein, toujours. Voilà. Ben, on parle du Hellfest, mais on peut parler également du motoculteur qui était cher à ton cœur. Ouais, qui était cher à mon cœur. Et puis, ben maintenant, mon cœur rime avec Ferrailleur, d'ailleurs. Une très, très petite salle de concert très sympathique avec une programmation plutôt cool. Voilà. Bon, alors si je peux t'enjoindre à aller voir un groupe qu'il faudra absolument que tu ailles voir parce que c'est la fête, ça te rappellera un petit peu l'émission. Il faut que tu ailles voir Patomé puisqu'il est de la région, il est vers chez toi là-bas en Bretagne. Donc n'oublie pas de passer si tu vois un jour Patomé qui passe au Ferrailleur ou quelque part dans la région, bah vas-y parce que c'est gage de qualité, de grande qualité. Obligatoire. Par contre, je tiens à dire un petit message à Beethoven. On attend toujours ADX sur Nantes depuis quelque temps quand même. Donc ce serait sympathique de passer nous voir quand même. Alors, Beethoven me dit qu'il est prêt à venir, mais il a besoin d'un peu d'argent si tu peux en envoyer, étant donné qu'il me semble que t'es banquier, non ? Ils peuvent dormir à la maison, il n'y a aucun souci, voilà, c'est grave. Bon, bah, en tout cas, l'invitation est retenue. On va voir ce qu'on peut faire. J'espère bien, j'espère bien. En tout cas, bah, merci, Phil, pour tout ça. Pour toute ton œuvre. Écris une autobiographie, bordel. Fais ça. On rigole un peu. Mince. Ouais, surtout que des anecdotes, il y en a pas mal. Hein. Donc, on va se pencher là-dessus, puisque je vais me retrouver quand même avec un emploi du temps assez vide hein, toutes les semaines. Ah donc, oui, maintenant, t'as du temps. Oui, mais tu sais, il paraît que ça va faire de l'argent. Donc, l'argent, il va falloir que je l'utilise pour aller faire des voyages, des choses comme ça, quoi. Ou venir en Bretagne, peut-être. Ah, voilà. C'est ça. Il faut venir en Bretagne, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, ouais, une autobiographie, pense-y, parce que, à mon avis, tu peux faire 2-3 tomes, à mon avis. Ben, j'en ai déjà un devant moi, un tome. Et je peux te dire que j'ai pas envie d'en faire 2 autres de plus. Bon, en tout cas, Nico, voilà. je te fais des gros bisous. Merci pour ton intervention. Et puis, ouais. Bah, on pense effectivement à toute l'équipe qui a œuvré avec nous. On pense à Boy Wonder, à Archeon, à Aileen, et puis à Meul, bien entendu. Voilà. Et puis à toi, Nico. Ben voilà. Ok. Bon, bah, des gros bisous. Allez, salut, à très bientôt et merci pour tout aussi. Bye bye. Salut, oui. Ciao. Bye. Donc, Phil, on fait quoi? On fait la prod, voilà, le téléphone raccroche, tu vois. On va raccrocher le téléphone, ce qui est bien, tu vois. On va essayer de le prendre gentiment. Il n'a pas répondu à la valise Rock4Show, bah voilà. Tant pis. Bah tiens, et si on en faisait une valise Rock4Show, vous allez pouvoir nous appeler au 06 81 01 28 34. Sachant qu'on n'est pas en direct, c'est pas possible. Mais si, ils pourront, puisque bien sûr qu'ils vont pouvoir. Oui, ils pourront appeler, vous bien sûr. Vous pourrez donc envoyer vos SMS ce mercredi 12 décembre. Ouais. Et justement, combien ai-je dans ma poche? J'ai des sous dans ma poche. Combien ai-je dans ma poche? Voilà. Et vous gagnerez cette somme. Hein, alors, c'est des pièces sonnantes et trébuchantes, donc il va falloir venir les chercher. Ça va me coûter encore plus cher en frais de port. Mais voilà. Et puis, si vous ne trouvez pas, eh bien, sachez que j'ai plein de CD promo à la maison. Eh bien, pour tous ceux qui auront participé, je leur enverrai un CD promo selon la liste que je pourrai mettre en ligne prochainement. Voilà. On avait décidé aussi de vous faire des petits cadeaux, parce que c'est grâce à vous aussi que le Rock4Show a existé pendant toutes ces années. Et bah voilà, c'est une petite... façon à nous de vous remercier. On va continuer. Tu as une fourchette pour ta poche ou pas? Non, j'ai pas de fourchette dans ma poche. Je suis désolé. J'ai une loupe, j'ai un couteau et j'ai un porte-monnaie avec des clés USB. Tu as une fourchette d'argent, moins de 100 euros. Voilà. Ouais, mais c'est vaste. Hein. Ah bah moins de 100 euros, je vais pas te dire non plus. Si alors tout à l'heure, on fera écouter. On fera écouter le son. Que fait ce qu'il y a dans ma poche. D'accord ? D'accord. Allez, pour l'instant, on va continuer avec un groupe suédois qui s'appelle Evergrey, après Lost in Grey. Et bien maintenant, nous allons partir avec Evergrey qui nous sortira son nouvel album en janvier, le 25 janvier. Bon anniversaire, papa. Bon anniversaire, maman. Puisque c'est le 25 janvier. Atlantic, c'est le titre de cet album qui est, me semble-t-il, un concept album. Le morceau que je vous propose de découvrir s'appelle This Ocean. Ocean, ouais, c'est ça. Sorti chez AFM, donc. C'est un groupe de power progressif qui s'est formé en 1996. Ils seront également en concert le 12 mars prochain à Mulhouse et ils seront accompagnés de Camelot et de Vision of Atlantis. Nous continuerons avec un groupe américain, Ashes of Ares, qui n'est autre que le nouveau groupe l'ex-chanteur de Heisdorf, Matthew Barlow, qui avait sorti déjà un premier album. Donc celui-ci, c'est le deuxième et il s'appelle Well of Soul. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, mon cher Ton, je te laisse dire. Sun Dragon, exactement. C'est sorti le 9 novembre dernier. C'est un groupe de heavy metal formé en 2012. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, nous viennent des États-Unis, de Tampa. Nous partirons ensuite en Allemagne avec Hermann Frank. Tout le monde connaît Hermann Frank ici, autour de la table, j'en suis sûr et certain, puisque c'est l'ancien guitariste de Accept, mais également de Victory et de Sinner. Et également de Sinner, pour, entre autres, hein, parce qu'il a été dans plein d'autres groupes. Les Allemands, c'est un peu ça, hein, c'est un peu des mercenaires. Il nous sort son nouvel album solo qui s'appelle Fight the Fear. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Stay Down. C'est sorti le 8 novembre dernier chez AFM. Encore une fois, le gros label qui diffuse du gros allemand, mais pas seulement. Le groupe s'est formé en 2008, enfin, la carrière solo, on va dire, de Hermann Frank, c'était en 2008, et il nous vient donc d'Allemagne. On envoie tout de suite la musique 06 81 01 28 34 pour la poche Roquefort du Filet Molle. Vous pouvez nous appeler et dire combien il y a dans sa poche. Yeah. Retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock 4 Show. Et alors, c'est quoi ? C'est la cagnotte qu'on entend là ? Ouais. La valise Rock 4 Show. Non mais vas-y, refais du bruit là. Ah, vas-y, tiens. Alors combien y a-t-il dans ça, juste dans ce truc-là là ? Ouais, dans ce truc-là, ouais. Bah, d'accord, bon, on prendra même une vidéo carrément. Voilà, on prendra. Il y a un jeton aussi, on va enlever le jeton parce que. Il y a un jeton de caddie. Non, c'est un jeton de station-service lave. Bon, ouais, okay, d'accord. Allez, voilà. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Cub. Qui s'est formé en 1997. Suivez bien, j'ai oublié de noter les dates de concert, mais il y a tout un tas de dates de concert qui ont été déposées sur Internet. L'album est sorti chez Desperado Prod le 28 septembre dernier. Ils nous viennent de Paris, ils se sont reformés, les Cobs. Juste avant, nous avons pu écouter pas mal de choses de pas trop mal, puisqu'il y avait Evergrey, Ashes of Ashes of Ares, voilà, c'est ça, les cendres de Ares, et Herman Franck. Nous allons continuer cette programmation musicale en vous rappelant que la valise Rock 4 Show est à gagner. Tom, un petit coup de valise Rock 4 Show ? Non, tu peux ? Voilà, c'est ça, donc il faut nous dire combien il y a dans la valise Rock 4 Show au 06 81 01 28 34 pour le remporter. Nous allons maintenant passer à un groupe de death progressif, mon cher Hervé. Ça, c'est pour toi, ça, c'est pour toi, c'est cadeau. C'est le dernier sadiste qui s'appelle Spellbound. C'est là parce que je ne l'ai pas écouté. Et ben voilà, tu vas pouvoir écouter le morceau The Birds, les petits. Les oiseaux. Yo-yo. Voilà, les petits. Heureusement que c'est du death, c'est pas du black. Hein. Bah voilà. Sorti chez Scarlet Records le 9 novembre dernier, c'est un quartet de death progressif formé en 1991 et ils nous viennent de Gênes. Et là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Et ouais. Il y a de la souffrance. Et de la souffrance. Nous enchaînerons ensuite avec Ancient Boards. Tiré de leur album Origin, qui est, je crois, le deuxième chapitre, en fait, de leur saga. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Home of the Rejects. Ça va sortir chez Limb Music. Tiens, je savais même pas que ce label existait toujours. Le 25 janvier prochain, ça sortira. C'est un sextet de power symphonique à chant féminin. Le groupe s'est formé en 2006 et ils nous viennent d'Italie. Bah tiens, deux groupes d'Italie. Et tu sais d'où ? Est-ce que tu une ville ? Absolument pas. Allez, les produits sur les musiques et moi, on n'est pas très copains. C'est tout. C'est pas petit, mais tu peux rire quand tu vois que c'est mini. Allez, ris, mini. Voilà. Et donc nous enchaînerons ensuite. C'est la fin. Nous enchaînerons ensuite. Alors attention, là il faut prendre son souffle parce que c'est Equidad Catacraneo. Je l'ai bien dit ? Ouais, je l'ai bien dit. Ouais, bravo, bravo. Toi qui galérais pendant 5 minutes avant. C'est ça. Le titre du morceau s'appelle Triton et le titre de l'album s'appelle Sangre y Plomo. C'est sorti chez Discos Denver en 2017. Le groupe pareil que le groupe d'avant qui était, je sais plus d'où, d'Espagne. Ce groupe-là est mexicain. Et ils se sont formés en 2016 et quand ils ont entendu que le Rock 4 Show s'arrêtait, ils nous ont dit « Ah, vous avez jamais passé, est-ce qu'on pourrait passer ? On vous écoute du Mexique et tout. » Donc on a dit « Allez, banco, on va passer un groupe mexicain dans le Rock 4 Show. » Et donc, c'est celui-ci. On vous envoie la musique dans vos oreilles, on se retrouve tout de suite après. On vous rappelle le numéro de téléphone ? 06 81 01 28 34. Et puis il y a la cagnotte, la cagnotte voilà, qu'il faut deviner. Il y a du monde. Hein. Allez, musique. Salut.

retour dans les studios pour la 35e année du Rock 4 Show. Ce soir, c'est anniversaire, on va faire sauter les bouchons. Mais pas que. Happy birthday to you, Rock 4 Show. Alors, nous avons pu entendre quelques petites réjouissances sonores qui étaient assez sympathiques. Un petit sadiste, un petit ancien Bards avec une belle chanteuse. Et puis, nous avons fini avec, attention, accrochez-vous, Equidad Catacraneo. Et voilà. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'était pas mal. Hein. Pense que on va pouvoir refaire un Rock 4 Show spécialement avec ce groupe-là pour l'année prochaine, parce que je le tiens bien. Je le tiens bien, on fera un spécial. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Grave Digger. Ils nous ont sorti un album qui s'appelle The Living Dead, sorti chez Napalm Records le 14 septembre dernier. C'est du heavy speed formé en 1980, ils nous viennent d'Allemagne. Ils seront surtout en concert à Paris le 28 janvier prochain au Petit Bain avec Burning Witches. Excellentissime groupe Burning Witches, allez les voir. Nous allons enchaîner avec deux groupes pour finir cette émission. Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin, même le Rock 4 Show. Le groupe s'appelle In The Wood, trois petits points de suspension. Que se passe-t-il dans la forêt, hein, dans les bois, hein, dites-moi. Et l'album s'appelle Seize the Day et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Strike Up the Dawn. C'est sorti, alors bonjour le label, tu peux me dire le label, mon chaton ? Des Bémures Mortes. Voilà, bien, merci monsieur. Merci. Il a la fèche sous lui en même temps. Sorti le 23 novembre dernier. C'est un octet de métal progressif qui s'est formé en 1991 et ils nous viennent de Norvège. Enfin, nous terminerons cette émission avec un groupe canadien directement venu de Toronto. Le groupe s'appelle Of Hatred Spawn. Le titre de l'album c'est Of Hatred Spawn, un titre éponyme. Et le morceau que je vous propose de diffuser ce soir s'appelle Severed Limb Convulsion. Et ça va sortir le 21 décembre prochain chez Boomsdale Records. C'est leur premier album et c'est un groupe qui s'est formé en 2017, formé avec des ex-musiciens de Annihilator, ou des membres actuels de Annihilator, et de Skull Fist. C'est un quartet de death metal. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Eh ben, c'est pour les fans de Decide, de Dying Fetus, de Carnival Corpse, de Job for Cowboy et de Decapitated. En fait, j'aurais dû arriver vers la fin, intéressante. Mais on te le dédicace, hein. C'est une spéciale dédicace pour Hervé, ça. Monsieur Guégano, spéciale dédicace, le groupe s'appelle Of Hatred Spawn. Tu retiendras ? Hein, j'essaierai. Je te ferai un paquet cadeau avant de partir. C'est gentil. Hein. Allez, on envoie la musique, on se retrouve tout de suite après pour les adieux. We'll be right back. De retour dans les studios pour ce qui va être la fin définitive du Rock for Show pour 2018 en tout cas. Voilà, on vous remercie tous, auditeurs, partenaires, les labels qui nous ont fait confiance et qui nous ont envoyé leur groupe, leur CD, leur MP3, enfin tout ça. On remercie également tous nos partenaires pour les concerts qui nous ont permis d'aller voir, d'aller pouvoir chroniquer, d'aller pouvoir filmer. Pour tous les gens qui nous ont amené des groupes étrangers en interview dans le Rock for Show, on va penser quand même à des Manowar, des Nevermore, Wasp, Cradle of Filth. Ça, c'était la grande époque où on pouvait recevoir tous ces groupes-là. Doro, bien entendu, Ed Guy, Masterplan, Brainstorm et tous les groupes français, Conscience, ADX, The Outburst, également One Last Shot. Enfin bref, tous ces groupes que l'on a aimés, que l'on a reçus et qui sont venus aussi faire des sessions live. Je pense à Oresco Référence, je pense à Frantic Machine, à Nio, je pense à Monsieur Pat Kebra qui est venu et qui a tout explosé dans le studio. Enfin bref, à tous ces gens qui nous ont fait confiance tout au long de ces années. Merci à vous tous. Moi, je penserai au moment épique qu'on a eu dans ce dernier studio. Avec Manu ? Ouais, notamment. Et puis les premières émissions quand on a quitté la précédente radio, R Radio, pour ne citer. Voilà. Qu'on a dû commencer ici et que tu disais, mais non, ça va pas être possible. Tom, non, arrête, c'est loin. C'est... Parce qu'on est en banlieue parisienne, pour citer, on est à une demi-heure de Paris centre. Et finalement, il fait, ah ouais, mais on est mieux ici en fait. Ah bah, oui, on est mieux, il n'y a aucune pression, rien. On n'est pas tenu par les aléas de voilà. La technique ou autre, on arrive à gérer. Et puis on arrive à recevoir des invités. Voilà, donc je voulais quand même passer des bons moments te ensemble. Remercier, Tom. Mais parce que on a passé de bons moments ensemble. De, merci de pleurs et de. Depuis notre éviction de l'ancien diffuseur, de m'avoir fait confiance et de nous avoir dit. Oui. Bah, on va à la maison et on fait. Oui, et puis moi je suis arrivé juste après le premier diffuseur qui t'a évincé qui t'a dit dehors. On s'est retrouvé devant un bar, dans un bar, et il devait y avoir une émission ce soir, mais finalement non. Je fais bon, bah, voilà. On verra la prochaine hein, s'il y a lieu. Et puis on est encore là, 4 ans après, voilà, on est toujours là. Ouais. 35 ans, voilà, 35 ans de Rock for Show. On va remercier également nos invités qui étaient là oui, ce soir, Monsieur Beethoven, guitariste d'ADX, mais pas seulement. Non, pas seulement, mais moi je pense à autre chose, c'est tout simplement qu'ADX est revenu se reformer en 2007. Et ce que les gens ne savent pas, enfin on l'a dit quand même quelques fois, c'est que c'est également quand même grâce à Phil Hemmall, entre autres bien sûr, mais il en faisait partie, et du Rock for Show qui nous a soutenus dès cette date de reformation. Plus tous les concerts du PMFF, mais là ça... Les habitués sauront de quoi je parle. Et puis voilà, une petite larme quand même. Mais moi, je suis persuadé qu'il va revenir bientôt sous une autre forme. Il va peut-être se transformer. On va lui mettre une perruque blonde, du rouge à lèvres et un sac à main. Et il va nous revenir sous le nom de Paul Naref Metal Show. Ça va être rigolo. Philippine Hemmall sera de retour. Donc voilà. Non, on lui souhaite du retour. Un retour bientôt dans autre chose. Retour de bâton. Et puis surtout, merci pour toutes ces années qu'on a partagées ensemble. Voilà. Il va être temps. Hervé, on te laisse le mot de la fin. Et puis il va te temps de dire au revoir. Enfin, donc, vous êtes bien gentil aussi. Surtout voilà. Que je suis venu les mains dans les poches, je n'ai rien à vendre contrairement aux autres. Mais ta présence, c'est pas ma promo. Alors, en fait, entre nous, soit dit, n'est-ce pas, c'était parce que Phil et moi, on doit se voir depuis très très longtemps pour se faire un resto. Et on va se le faire tellement après. Occupé qu'on n'a pas pu le faire avant. Voilà. Voilà, en tout cas, merci pour tout à tous. Merci à toi, Phil. Ah. Merci à toi, Tom aussi. Mais de rien, merci. Je vous fais à tous des gros bisous. Mais on ne pouvait pas terminer ce 35e anniversaire sans remercier la personne sans qui le Rock for Show n'aurait pas plu. Duré depuis notre éviction de notre ancien diffuseur. Et heureusement, est arrivé un monsieur, on peut dire monsieur, hein, mon ouais, cher Tom. Ouais, hein. Et puis il a traversé la nage carrément, lui. Hein, un grand monsieur, le monsieur s'appelle Eric Flynn, et il nous parle en direct du Québec. Bonsoir à toi, Radio Biz. Yes, salut tout le monde, salut à la gang du Rock for Show. Yes, je suis vraiment content de enfin on peut se parler à la radio pour la première fois. Il a fallu attendre la fin de l'émission pour se parler en direct, mais voilà, tout arrive à qui sait attendre, comme on dit en France. Et donc on est très heureux de te recevoir, Eric, et encore un grand merci de la part de Tom, Phil et de toutes les équipes du Rock for Show qui ont fait pour que cette radio et cette émission survivent et vivent. Les auditeurs aussi. Les auditeurs également, et puis tous les groupes qui sont passés dans cette émission, qui se sentaient un petit peu orphelins lorsque nous avons été évincés de la bande FM. Heureusement, les Canadiens, les cousins canadiens sont arrivés à la rescousse, et encore un grand, grand, grand merci à toi. Alors, j'ai une question. Je voulais savoir, comment as-tu, toi, connu le Rock for Show? Ben, ça a été très simple. Ce sont deux auditeurs de la Radio Biz qui m'ont parlé de vous autres. Ils m'ont dit « Hey, on a une belle émission en France, nanana. » Et puis, dans ce temps-là, j'ai diffusé aussi deux émissions métal du côté de Belgique. Fait que j'ai dit « Tiens, ça serait le fun avoir des gens qui sont en France, justement, à la Radio Biz, puis étendre un petit peu plus le tout. » Et puis lorsque les deux, bon, ça tombait deux personnes qui ne connaissaient pas, qui m'ont parlé de vous autres, et ils m'ont dit, bon, je ne sais pas s'il y en a un qui me dit, ils, sauf que sont sur la FM, je ne sais pas si ça va être évident pour eux avoir une permission des patrons et ainsi de suite pour pouvoir diffuser. Je dis, ben écoute, je vais les écouter, et puis on va voir qu'est-ce qu'il y en a après. Et si c'est bon, ben pourquoi pas, parce qu'on me disait que ils ont beaucoup de musique qui touche un peu le même genre que Radio Biz. C'est du métal sans être du métal extrême ni mou. Fait que j'ai dit, bon, ben je vais écouter ça. Et puis j'ai adoré votre émission. C'était très simple, sans prétention. Ça coulait très bien. Il y avait une belle chimie. À l'époque, vous étiez trois avec Sonia et Emmanuel. Et je trouvais que ça cadrait très, très bien dans le style de Radio Biz, avec surtout les informations que vous aviez. Parlait de concerts, de festivals. Là, je me disais, bon, c'est le fun, parce que là, en ayant un pied en France, ben au moins vous étiez un peu comme nos yeux à savoir ce qui se passait du côté européen. Fait que c'est ça qui était le fun, là, parce que que j'avais pas avec les deux autres émissions. Les deux autres émissions, eux, c'était surtout pour parler de musique. Tandis que vous étiez plus un radar pour voir ce qui se passait sur la scène européenne. Et c'est ça qui m'a plu énormément de vous autres. Et je me suis dit, tiens, j'ai dit, faut les contacter, faut rentrer en contact avec eux, puis faut essayer de faire quelque chose, puis trouver un moment pour les diffuser, puis... après ça, ça a été un mariage qui a duré quand même plusieurs années. Puis j'ai jamais regretté le choix, justement, de vouloir vous supporter. Puis ça a été un plaisir, ça a été même un honneur aussi, parce que c'était notre émission métal de la France. C'était le Rock for Show. Quand on parlait, par exemple, même que moi, je vais en Europe, et que, bon, on dit, bon, OK, Radio Biz est diffusé au Canada, il y avait toujours le côté que, ouais, mais on est diffusé aussi en Europe. On a l'émission Rock for Show qui sont à Paris, puis, tu sais, ça nous ouvrait aussi un autre radar de ce côté-là pour nous autres. En tout cas, un grand, grand, grand merci à toi, parce que ça a permis à l'émission de continuer. Et puis d'aller jusqu'au bout, de pouvoir vivre notre passion jusqu'au bout. Et c'est vrai que 35 ans d'émission, c'était vraiment le but à atteindre. Aujourd'hui, on se dit que c'est la dernière, mais comme on se l'est dit hors antenne, comme on se l'est dit par Facebook, je sais que tu as quelque chose à annoncer, toi, ce soir, comme quoi la porte pour l'émission n'est jamais fermée. Ah, c'est sûr. Comme on t'avait parlé, moi, la porte va toujours rester ouverte, même si dans un an, vous changez d'idée toutes les deux, puis vous dites, Eric, nous, on voudrait reprendre une émission hebdomadaire. Moi, c'est n'importe quand. La porte va toujours rester ouverte. Et même, s'il y a des émissions spéciales que vous voulez faire sur un festival ou un événement musical qui arrive, un décès ou quoi que ce soit, et que vous voulez faire un enregistrement, même si c'est pas 2 heures, même si c'est un enregistrement, par exemple, de 30 minutes, c'est pas grave. Tu sais, tu me le dis, puis moi, je te trouve un trou, puis on l'annonce, puis on dit, tiens, on va le présenter, puis ça, la porte va toujours rester ouverte. Si tu savais le nombre de personnes qui sont passées ici à la Radio Biz depuis 2002, honnêtement, une seule personne est partie à mauvais terme. Le reste, ça a tout été à bon terme. Ça a toujours été à bon terme, nos relations qu'on a eues avec les gens qui nous ont quittés. Et la porte a toujours resté ouverte. Il y en a plusieurs qui sont même revenus avec le temps, qui sont revenus avec nous. Et pour ça, moi, pour moi, c'est important. C'est la fidélité, pour moi, c'est très, très, très important. C'est une base de confiance. En tout cas, encore un grand merci, parce que ça, je ne cesserai de le dire, étant donné que pour nous, on pensait vraiment que c'était la fin d'une diffusion. Heureusement, les nouvelles technologies sont là. Heureusement, les cousins sont là également. Et vous avez cru en nous, vous nous avez ouvert votre antenne. On en est très, très, très, très touchés, hein, même encore aujourd'hui. Et avec Tom, ben on essaiera de faire des émissions un peu spéciales pour nos partenaires qui nous ont toujours fait confiance durant toutes ces années. Et on essaiera de vous faire des émissions aussi un petit peu spéciales pour vous faire découvrir la richesse des groupes français. Parce que je sais que vous avez récupéré un petit peu Sonata sur quelques groupes, et que un de ses groupes préférés était Bukowski. Bah justement, le groupe est passé à Paris il y a quelques temps, et on pourra vous faire découvrir justement d'autres groupes, soit anciens, soit nouveaux, et on s'attachera à faire des émissions un petit peu qui sortent de l'ordinaire, tout en gardant le ton du Rock for Show. Et pourquoi pas, lorsqu'un groupe aura besoin de faire une promotion ici, ben pouvoir vous enregistrer une émission un peu spéciale. Mais on n'avait plus la possibilité, de par les horaires, de par également la possibilité physique, puisque comme tu le sais, je suis un peu diminué physiquement au niveau des yeux, et donc ça devenait de plus en plus compliqué pour moi de construire une émission et également de pouvoir l'animer. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on arrête. Et puis on pensait également qu'arrêter à 35 ans, c'est un bel âge, c'est encore un âge où on a encore plein de choses à faire derrière. Et puis c'est un compte presque rond, quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'on avait décidé de s'arrêter maintenant. Voilà, Eric, eh ben on te... Le Rock for Show, 35 ans, ça veut dire que t'es donc ben vieux. Oui, ouais, enfin, moi je ne suis pas dans le Rock for Show depuis 35 ans, mais l'émission a 35 ans. Par contre, effectivement, j'ai fait de l'animation radio depuis 35 ans, mais pas uniquement pour le Rock for Show. J'ai dû rentrer dans le Rock for Show dans les années 90, 97, je crois, quelque chose comme ça. Et, okay. Et voilà, quoi. Donc on est très fiers d'avoir poursuivi l'aventure de ceux qui ont créé l'émission. Donc je voudrais rendre un hommage à Pedro Kenroll et Eddie Metal, qui étaient les deux animateurs qui ont créé cette émission en 1983. Voilà, et donc je voulais leur rendre hommage, et surtout à mon grand compère Eric the Viking, tu vois, comme quoi il y avait encore un Eric dans la naissance du Rock for Show, enfin en tout cas dans son histoire. Dans son histoire qui a marqué les années du métal ici en France. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y avait pas d'émission 100% métal comme on a pu l'animer sur une radio libre. Voilà. Exactement. Ben moi aussi, je voudrais vraiment remercier toute l'équipe du Rock for Show, les anciens et les membres actuels, Tom, toi, pour les belles années qu'on a eues. Ça a été le fun, parce que là, le jeudi, ben, on avait un petit quelque chose en après-midi. Là, ça va faire comme un petit trou qu'on va avoir. Et c'était l'habitude d'écoute aussi. Hein. Je veux pas, c'est ça la radio, c'est de créer une habitude. Et je crois qu'il y a des gens qui vont trouver ça un petit peu plus difficile, là, parce que là, ils étaient habitués de vous entendre. Et là, ben, ça va être de changer de nouvelle habitude, mais ça fait partie de la radio. C'est de créer une habitude qui est plus difficile. Mais c'est ça, donc un gros merci à toi, un gros merci à Tom pour des fois votre patience aussi avec moi, parce qu'il y avait des fois que ça arrivait, ah fuck, c'est vrai, j'ai oublié de mettre le MP3. Ah merde, j'ai oublié de... T'as pas un MP3 cette semaine, c'est un live, tu sais. Et ça arrivait des fois, j'étais pas présent ici. Là, j'arrivais, puis là, je voyais mon message. Ah merde, tu sais, j'avais oublié, tu sais. Puis, tu sais, des fois, ben, c'est pas évident. Puis, je comprends très bien, tu sais. Je me dis, tabarouette, pauvres autres, tu sais, ils ont pris la peine de préparer une émission. Puis, moi, ben, j'ai oublié les enregistrer. T'sais, heureusement, ça peut arriver trop souvent, mais moi, pour moi, une fois, c'était une fois de trop. Donc, et puis vous avez resté patient là-dessus, tu sais, vous avez pu arriver et dire, bon, ben écoute, Eric, parce que là, nous, on prépare une émission, puis on aimerait ça que, qu'elle soit respectée, et puis, c'est ça, c'est ça, tu sais, vous avez été patient aussi de votre côté, puis ça, ben, je tiens à vous remercier. Bon, écoute, le mot de la fin, ça va être pour nous tous, hein, avec, avec Tom, je vais laisser aussi te remercier, parce que il a beaucoup contacté Radio Biz. On s'appelait régulièrement, voilà Eric, mais moi je tiens à te remercier pour tout ce que tu as fait, pour ta présence, malgré que des fois, c'est vrai qu'avec le décalage horaire qu'on a entre l'Amérique et le continent européen, bah, c'était un peu compliqué, on s'appelait, vous vous réveillez ou pas, et vous nous appelez, bah, on est endormi ou pas, donc c'était un peu compliqué. Donc, mais voilà, on a réussi quand même toujours à s'arranger. Et c'était, enfin, après, c'était comme on disait, c'était de l'associatif pour nous, c'est du bénévolat, c'est du loisir. Donc, on ne veut pas non plus prendre la tête. Merci pour tout ce que tu as fait pour le Rock for Show, du temps de ma présence et même d'avant, parce que le Rock for Show aussi existe avant moi. Ouais, ben, tant mieux. Puis, ce qui est le fun aussi, une petite chose que tu as dit, je pense, que je vais ajouter. En même temps, avec votre arrivée, bon, on avait des émissions en Belgique. Et aussi, bon, avec vous autres, et à partir, après vous autres, on a eu une éclosion de plusieurs animateurs, animatrices un peu partout dans le monde. Après ça, on a eu Andrew qui est arrivé, qui est aux États-Unis. On a Nafre qui est au Nunavut, au Pôle Nord, imaginez. Après ça, on a eu Taylor qui est en UK, Angleterre. Après ça, on a eu Mario et les Italiennes. En Italie, puis là, ben, prochainement, on va avoir une émission francophone live from Madagascar, imagine, du métal au Madagascar. Alors ça, c'est bah, bravo, bravo, et ça prouve en fait que bah, le métal est partout, c'est une musique universelle, et la relève est là, et puis... Nous resterons actifs via les réseaux sociaux, via Facebook, et on essaiera de relayer au maximum les informations tant qu'on pourra. Et on essaiera quand même de vous envoyer, parce qu'on reçoit, on recevra quand même des informations de tous nos partenaires, de tous nos labels, des places de concert, des choses comme ça. Et on essaiera quand même de rester en vie. La page, en tout cas, du Rock for Show ne s'éteindra pas, ne se fermera pas. Et dès qu'on aura la possibilité, l'envie... Et le choix, eh bien nous vous proposerons une émission, mais ça risque d'être assez sporadique dans l'année. On ne va pas se mettre de calendrier de toute façon pour l'instant. Voilà, Eric, un grand merci de la part de Tom et moi. Et on va finir cette interview comme on le fait pour toutes nos émissions. C'était Rock, c'était fort, c'était chaud, c'était le Rock for Show.